d'Italie, qui rend la pâte maison moelleuse et croustillante à la fois. Profitez des différents spéciaux pour en juger par vous-même. Il y a le 3 pizzas pour le prix de 2 qui est disponible en tout temps. De plus, les mardis, on ajoute 15% de rabais sur les pizzas en plus du 3 pour 2. Pour les amateurs de tartare, c'est le jeudi qu'il faut retenir si vous voulez vous procurer ces délices à petit prix. Tous ces spéciaux sont disponibles pour emporter et vous pourrez même repartir avec quelques excellentes bières. Allez sur leur site web pour consulter le menu. Vous voulez vous faire livrer? Pas de problème. C'est possible via les applications Uber Eats et DoorDash. Emporium Microbrasserie. 5350 Henri Bourassa, Charlebourg. Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, quelques nouveautés. Dans le premier bloc, on aura Sanguine Homme, la formation britannique qui vient de publier ou qui s'apprête à publier un cinquième album studio qui a pour titre A Trace of Memory. Donc, on aura une pièce de ce nouvel album. On aura aussi d'Angleterre, finalement, c'est un bloc un peu comme le Royaume-Uni, avec une nouvelle formation qui a pour nom Rain, un groupe formé par deux musiciens, je vous dirais assez connus, là, John Jewitt et Andy Edwards, qui ont tous deux joué avec IQ, Frost. Dans le cas de John Jewitt, il a même une feuille de route un peu plus longue que ça. Et c'est un disque qui est sur le point de paraître, publié par la maison de disques de IQ. Et dans le cas de Sanguine Homme, je pense que le disque devrait paraître sous peu, mais malheureusement, je n'ai pas la date exacte. On commence avec Sanguine Homme, un groupe que je qualifierais probablement de mon groupe préféré de British contemporain. Et c'est la pièce de Yellow Ship. Shape. isolate. Here and now, feel somehow. Take a bow, your nervous and it shows. Everything, anything, smothering, covering. The list is endless, the end is listless. Now won't you push the reset for me? I see it. desires are pure hate, only mobs of ideology. No freedom of speech, just demanding all apologies. And we won't fall for lies and house arrest. Watch the world burn, history. take a day, isolate, walk away, hesitate, take a day, isolate, walk away, hesitate, take a day, isolate, walk away, hesitate, take a day, isolate, walk away, hesitate. Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca/coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec. Choisir ÉricLamirande.ca, c'est miser sur l'expertise de Éric Lamirande ainsi que sur son équipe de collaborateurs professionnels. On vous offre des services de consultation, accompagnement et formation dans les domaines suivants. Marketing web et réseaux sociaux, commerce électronique, virage numérique et outils technologiques d'affaires. Pour les travailleurs autonomes, les petites entreprises, les organismes et l'économie sociale. Notre but, vous aider à avancer et vous rendre plus autonome. Contactez-nous au 418 454 1019 ou à ericlamirande.ca. Un premier bloc consacré au Royaume-Uni. Ben, on poursuit notre visite toujours au Royaume-Uni, cette fois avec une formation qui roule sa bosse depuis 40 ans, 1980. Il s'agit du groupe Solstice. Un groupe qui est dirigé par Andy Glass, le guitariste. C'est lui qui fait partie de toutes les variations de formation depuis 40 ans. Un 6e album studio, donc, publié par la maison de disques de IQ encore. J'en parlais tantôt de cette maison de disques. L'album a pour titre She-Her, ou en écriture, c'est S-I-A. La prononciation n'est pas tout à fait comme la lecture. Et puis, ben, on a aussi Ancient Veil, une formation italienne qui n'est pas très productive, mais bon, chacun de ces disques est très apprécié, en tout cas pour moi, de ma part. Je pense que le premier a été publié en 1995, et puis il a fallu attendre jusqu'en 2017 pour en avoir un autre. Et là, le groupe propose un album live qui a pour titre Unplug Live, donc des versions intimistes et acoustiques de leurs pièces. Moi, j'aime beaucoup. Écoutez, c'est sûr que c'est plus tranquille, mais j'aime le raffinement de cette musique-là. Et puis, on souhaite que le groupe nous arrive avec un nouvel album studio. Et puis, on a aussi Overhead qui nous arrive aussi avec un disque en concert. D'ailleurs, c'est le deuxième disque en concert. Il y a quelques années, il y avait eu Live at Lorelei. Et là, le groupe nous propose Live at Art Rock Festival. Eh bien, ça aussi, on peut dire, on espère un disque studio pour bientôt. Et on y va, on donne le coup d'envoi de ce second bloc avec Solstice. We'll be right back. Salut à tout le monde. Je suis Alessandro Serri, chanteur et guitariste de Ancient Veil. La chanson que nous vous présentons est tirée de notre nouvel album Unplugged Live. Il s'appelle Chime of the Times et il a été publié en studio sur le CD I Am Changing. Le groupe est formé par Edmondo Romano au sax soprano, Fabio Serri au clavier, Massimo Palermo alla basse, Marco Fuliano alla batterie et moi, Alessandro Serri, au chant et à la guitare. J'espère que vous aimerez. Bonne écoute. Thank you. quite as easy as it used to be. When times got hard, Hayden's Park. écoutez CKRL 89.1. Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca/coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec. Plus que jamais, la santé de tous est entre nos mains. Sur mon cellulaire, l'application Alerte COVID m'avise si j'ai été en contact avec une personne déclarée positive récemment. Du bout des doigts et dans le respect de ma vie privée, je peux protéger ma santé et celle de mes proches simplement en téléchargeant l'application Alerte COVID. Rendez-vous dès maintenant sur québec.ca/alerte-covid pour obtenir plus de renseignements sur l'application et apprendre comment la télécharger. Un message du gouvernement du Québec. Pour ce troisième bloc, on va donner le coup d'envoi avec une formation américaine qui a pour nom Isobar. En fait, Isobar, c'est un groupe formé d'anciens musiciens de Métaphore. Enfin, je dis anciens musiciens, peut-être que le groupe Métaphore existe encore, mais il nous arrive sous un autre nom. Donc, Métaphore, une formation californienne avec 4 disques à son actif. Et là, c'est un premier essai sous ce nom-là, Isobar. On va vous en présenter 2 extraits. Après ça, ben écoutez, on va avoir un petit coup d'œil dans le rétroviseur avec une formation italienne, Narrow Pass. Une formation qui avait comme particularité de réunir plusieurs musiciens connus italiens. Pour ce disque-ci, qui a pour titre In This World and Beyond, ben, on trouve entre autres Andrea Orlando, le batteur de Finistère, et aussi ben, la voix italienne du prog contemporain, Alessandro Corvaglia, qui contribue d'ailleurs à un autre disque de ce groupe. Ce disque-ci, In This World and Beyond, a été lancé en 2009, donc c'est loin d'être une nouveauté, mais je pense que ça vaut la peine de jeter un petit coup d'œil de temps à autre sur ce qui s'est fait et qui est peut-être passé un peu inaperçu. Et puis, ben, on va compléter avec Andy Jackson, un ingénieur de son qui a longtemps travaillé avec Pink Floyd. Et d'ailleurs, vous allez voir que c'est pas étranger, la musique Andy Jackson n'est pas étrangère à Pink Floyd. C'est de son premier disque solo, Signal to Noise, paru en 2014. Et puis, ce qui est quand même impressionnant, c'est que M. Jackson joue de tous les instruments et c'est lui qui chante aussi. Donc, c'est un one-man band. Et ben, je pense que c'est assez impressionnant encore quand même de voir des gens se débrouiller comme ça. On y va donc sans plus tarder avec Isobar. seems to be leaving on his words. He's speaking about a kingdom where everyone can see a beam of light. Oh Lord, I wanna have my heaven now on this earth. Oh God, I wanna have my heaven here on this earth. Oh please, I wanna have my chance here on this earth. Oh please, I wanna have my heaven now. And Roddy is getting on quite well. He'll never be short of wine and bread. He's proud to reveal that happiness, oh, that is happiness out of our reach, out of reach in this world. My God, I wanna have my heaven here on this earth. Oh, please, I wanna have my chance here on this earth. Oh, please, I wanna have my heaven now. I live

2020, c'est cette année. Et puis, on aura aussi Salmon, un groupe néerlandais, ma foi peu connu, mais qui a quand même eu le temps de nous proposer deux bons albums que les gens peuvent qualifier peut-être de néo-prog. Oui, je pense qu'on peut y aller avec ça. Donc, ce qu'on va écouter, ça sera un extrait de leur premier, qui a pour titre Decade Reference, mais sans plus tarder, c'est Pure Reason Revolution qui donne le coup d'envoi. Bye.

existed as an insect in a spider's web. He feels unique when it calls to mind. For a while, standing behind a sideline, balancing on the brim, knowing not having to go for the obligate lifestyle. With tangled in persistent views on how to live, he isolates, retired in his own private shell, taking it all for granted, hoping being able to give room for his memories of time, but it's lost like you dwell. Silently present, out of words, out of speech, due to a version of small talk. He rather prefers events above of estrangement. yourself separate from those who perform the abandoned game until he attaches to common level. Reaching the expectations of existence cycle. Observer, be proud to remain well balanced. Et puis, ben, je vous invite à rester des nôtres. Il y a l'autoroute qui suit dans quelques instants. Et pour ma part, ben, je vous invite aussi à vous rendre sur notre page Facebook et vous abonner pour être au courant de, un peu de tout ce qui se passe dans le milieu. Et ben, je vous souhaite bonne nuit. Et je vous laisse avec un extrait du plus récent Richard Sojbloom Gongfly. C'est la pièce, une des deux pièces bonus sur l'édition limitée, donc Shoulder Variation. Sur ce, bonne nuit. cette émission est disponible en balado-diffusion. CKRL, communication, culture. Les 23, 24 et 25 octobre, branchez-vous sur la page Facebook du Festival Québec en toutes lettres pour vivre la grande traversée poétique. Notre premier méga happening virtuel international. En provenance de 20 pays, 200 poètes se relaieront sur vos écrans pour ce marathon de poésie unique. Québec en toutes lettres, un rendez-vous toujours aussi chaleureux. Question santé numéro 3. Vos parents doivent aller en CHSLD et ça vous inquiète? Et vous avez raison. C'est triste, mais on est rendu là. Malgré toute la bonne volonté du personnel, il se peut que vos parents ne reçoivent pas les soins dont ils ont pourtant besoin. Pourquoi? Parce qu'après 20 ans de mauvaise gestion, les soins de santé sont à l'agonie. Nos aînés méritent mieux que ça. Un petit conseil à notre gouvernement. Ayez le courage d'agir. C'est une question de respect et de dignité. Un message de la FIC et de la FICP. Savais-tu qu'en achetant ta bière dans des cruchons consignés, ton impact environnemental est bien moindre qu'en l'achetant en canette ou en bouteille standard? C'est pourquoi à la brasserie artisanale La Korrigan, nous avons opté pour le cruchon sans étiquette pour la vente de nos bières. Évite la production d'emballages à usage unique, tout en venant t'approvisionner à même notre nouveau frigo de cruchons pré-rempli. Même plus besoin d'attendre pour le remplissage. La Korrigan, 380 rue Dorchester. Cette année, la boîte à pain remet au goût du jour sa classique tartourie d'inspiration française et belge, déclinée en plusieurs saveurs dont le bleuet, pomme érable et la succulente choco-caramel. Laissez-vous séduire et succombez au charme de nos tartouries. La boîte à pain, du plaisir à tous les jours. Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou et Grand Marché. Boiteapain.com. Choisir ericlamirande.ca, c'est miser sur l'expertise de Éric Lamirande ainsi que sur son équipe de collaborateurs professionnels. On vous offre des services de consultation, accompagnement et formation dans les domaines suivants: marketing web et réseaux sociaux, commerce électronique, virage numérique et outils technologiques d'affaires. Pour les travailleurs autonomes, les petites entreprises, les organismes et l'économie sociale. Notre but, vous aider à avancer et vous rendre plus autonome. Contactez-nous au 88 454 1019 ou à ericlamirande.ca. Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca/coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec. Ben voyons, le monde est donc ben cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps. Bon, enfin, il y en a un qui allume. Ça commence à être le temps.